vous avez entendu? C'est ce soir que ça se passe. C'est ce soir. C'est la teuf du Farfadet. On va danser. On va devenir fou. Touche tout. Pichetou. Je n'y crois, je n'y crois, je n'y crois.